Chapitre 2. En huitième. Le lendemain matin, nous étions à l'étude depuis une heure et nous nous organisions tant bien que mal en faisant, sous prétexte de rangement, un tapage assourdissant quand un de nos voisins, qui regardait dans la cour, s'écria à mi-voix « Voici Jacques !» Et presque aussitôt, celui qu'on avait annoncé sous ce nom poussa la porte de la classe. Je n'étais assurément pas dans des dispositions de folle gaieté, mais, en levant machinalement les yeux, je me mis à sourire, tant il me parut drôle et dégingandé. Tout chez lui était d'une longueur démesurée, les jambes, les bras, le cou, la tête et les cheveux. Seule sa blouse de drap noir était trop courte, et elle exagérait encore ce qu'elle eût dû cacher. « Allez-vous placer là-bas, au bout de la table, à côté du nouveau, » lui dit le maître d'études en me désignant, « et tâchez de trouver votre pupitre. » Pendant que Jacques cherchait, ce qui dura assez longtemps, je l'examinais avec plus d'attention. Et mon sourire commença à disparaître. J'oubliais l'ensemble pour ne plus voir que la tête qui avait véritablement un caractère de beauté fine. Et quand je rencontrais ses yeux, j'en étais comme ébloui. Il y avait en eux tant de profondeur que toute la vie y paraissait concentrée et que le visage en était pour ainsi dire amoindri. Mais bientôt le rire me reprit. Partagé cette fois par la classe entière. Jacques avait trouvé son pupitre, mais, en voulant le porter, il l'avait laissé tomber avec un fracas épouvantable. La serrure s'était ouverte, et les livres, les plumes, les cahiers roulaient à terre au milieu d'une mare d'encre que venait de faire une petite fiole qui s'était cassée. « Vous êtes donc aussi maladroit que l'année dernière, » s'écria le maître d'études. « Allons, dépêchez-vous de ramasser tout cela. » Et comme nous rions toujours de la mine ahurie que faisait Jacques, « Le premier qui rit, je le flanque à genoux pour 2 heures. » Le silence se rétablit assez vite. Jacques ramassa ses livres et vint prendre la place qui lui avait été assignée. Mais cette place qui était au bout extrême de la table, entre la muraille et moi, ne lui plut probablement pas, car m'adressant la parole, « Recule, » me dit-il. Je voulus lui faire observer qu'on n'avait pas dit que je reculerais. Il ne m'en donna pas le temps. « Voyons, veux-tu reculer ? » continua-t-il. Je restais indécis, mais ayant rencontré son regard, je n'hésitais plus et reculais docilement. Alors il s'assit entre moi et mon voisin, et commença avec celui-ci une longue conversation. Puis bientôt, se retournant de mon côté, « Comment te nommes-tu ? » me demanda-t-il. « Frédéric. Frédéric qui ? Frédéric quoi ? Frédéric Arnoux. Quel âge as-tu ? 9 ans. Qu'est-ce que fait ton père ? Il a été avoué. « Et qu'est-ce que fait le vôtre ?» demandai-je à mon tour. « Il est avocat. Il s'appelle Monsieur Chevalier. » Satisfait de mes réponses et peu curieux probablement de ma conversation, il m'abandonna pour mon ancien voisin, tandis que, ramené malgré moi par cet interrogatoire à la maison paternelle, je me replongeais dans mes tristes souvenirs. Mes pleurs recommencèrent. Je voulus les cacher. Aux efforts même que je faisais, Jacques les devina. « Pourquoi pleures-tu ? » me demanda-t-il. « Je ne pleure pas ? » « Eh bien, tu as de l'aplomb, toi, mon petit. Voyons, pourquoi dis-tu que tu ne pleures pas ?» Je ne répondis rien, et le regardais timidement. Mais je crus voir dans ses yeux plus de raillerie que de pitié, et au lieu de m'enhardir, je m'obstinais dans mon silence. Alors, lui, d'une voix douce, « Ne sois donc pas bête comme ça. C'est ta maison, ta maman que tu pleures, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, pourquoi ne l'avoues-tu pas ? J'hésitais encore. Puis, tout à fait décidé par son accent et son regard qui me parurent cette fois pleins d'encouragement et de sympathie, parce que ce matin, en me levant, je pleurais et ce grand qui est là-bas... Chaise Martin ? Oui, il s'est moqué de moi et m'a donné un coup de poing en m'appelant moutard. Eh bien, si tu veux qu'on ne se moque plus de toi, c'est d'abord de ne pas pleurer, et puis de répondre à coups de poing ou à coups de parole à ceux qui t'embêteront. Quoique mon nouvel ami fût d'un an plus âgé que moi, on nous mit ensemble dans la petite huitième et nous eûmes pour camarades Chaise Martin, Boudignot, Aise, Chamoulot, Noël et Cauchois. Aidé de l'expérience de Jacques, qui avait fait son entrée au mois de mai précédent, je l'ai connu mieux en 8 jours que tout seul je ne l'eusse pu faire en 1 mois. Chaise Martin, qui avait 12 ou 13 ans, était le premier d'entre nous, au moins par l'importance qu'il se donnait. Fils d'un très riche indienneur de la vallée de Marom, il possédait un orgueil qui, pour en être arrivé à l'état de splendeur qu'il avait atteint, avait dû se nourrir dès l'enfance de monstrueux exemples. En parlant, il disait toujours « mon établissement de Marom, mes ouvriers, mon comptoir de la rue de Cron ». À la récréation, il mettait des bottes vernies pour jouer. Il ne prêtait jamais rien, ne payait strictement que sa dépense. Il criait comme un âne en nous apprenant des ordures et ne nous débarrassait de son encombrante personnalité que le samedi soir, quand son domestique en livrée venait dans son beau cabriolet, le chercher pour l'emmener à sa campagne. Boudignot, qui avait au moins 14 ans, faisait avec lui un frappant contraste. C'était un vrai fils de paysan bourgeois, à l'air pensif et réfléchi. Avec cela, courtaud et grassouillet. Le teint fade et huileux, la tête énorme et ronde, les jambes arquées et crochues, les bras toujours arrondis. Pour compléter cet ensemble qui lui donnait une physionomie déjà bien assez niaise, il avait de gros yeux à fleur de tête qui demeuraient immobiles et que 2 immenses paupières pouvaient à peine recouvrir. Il avait commencé ses études à Neufchâtel, dans une institution de prêtres, et il y avait pris des habitudes plutôt cafardes que religieuses. Il bâtissait des petites chapelles dans son pupitre et se disait la messe à lui-même pour son agrément. Silencieux en classe, ses bouts de manches en lutherine noire bien tirées, il paraissait étudier avec attention et en réalité, il ne pensait à rien. Toute activité lui était antipathique. Il ne riait jamais et causait rarement. Après la messe, son plus grand plaisir consistait dans l'éducation d'un lézard. Il avait un beau cahier relié et réglé où il notait les différentes phases de cette éducation. Et il en avait un autre plus gros, au dos duquel on lisait « Mon journal ». Il y écrivait sa dépense et l'histoire de sa vie. C'était là ses seules distractions à l'étude. À la récréation, il en avait d'analogues. Presque toujours, on le rencontrait dans les corridors où il étudiait sa guitare. Souvent, on avait voulu l'entraîner à jouer avec nous. Toujours, il avait résisté. Il prétendait que suer le rendait malade et qu'ayant, comme il disait, la poitrine grasse et le cerveau marécageux, il était obligé de prendre des précautions. C'était en s'appuyant sur ces motifs qu'il avait fait accroire au maître d'études qu'il ne pouvait pas rester la tête nue et que le tabac lui était ordonné. Aussi prisait-il comme une vieille portière et gardait-il toute la journée sur la tête une énorme casquette en forme de tourte baleinée et cartonnée. Je ne sais ce qu'il y avait de vrai dans ces allégations. Dans tous les cas, les remèdes n'agissaient guère. Constamment enrhumé du cerveau, il se mouchait sans cesse. reniflait péniblement et prononçait les nasales avec des intonations sourdes et étouffées qui nous mettaient en joie. Toujours mélancolique et grognon, il n'était point aimé. Et quand un de nous, je crois que ce fut Thèse, l'eut surnommé un raccourci de la colère divine, personne ne prit sa défense. À la longue, il devint notre bête noire, notre martyr. Quand il faisait mauvais temps et que nous ne pouvions sortir, nous jouions avec lui comme s'il eût été une balle ou une toupie. Nous nous prenions par la main, nous formions une ronde et nous l'entourions en chantant. Il est un petit homme avec de petits mollets, en crochet, qui d'ennui nous assomme et qui vit en prison, constamment, et bien récitant, très dévotement, Moser et Chapelet, oh qu'il est laid, avec ses petits mollets. La chanson avait 10 couplets, et j'ai quelquefois vu notre victime renonçant à s'échapper de notre cercle, où on le rejetait à coups de poing, s'affaisser par terre, se cacher la figure entre ses mains et pleurer de rage. Aise a une véritable bonté, joignait une intelligence des plus vives. Mais il était victime de son nom, et les calembours auxquels ce nom prêtait l'avaient irrité et rendu soupçonneux. Il croyait toujours qu'on voulait se moquer de lui. « Es-tu bien aise ? Es-tu mal aise ? Es-tu mort, aise ? Qu'est-ce que dit aise ? Bonjour, saint aise. De quel parent aise parle-t-il ? Sa gêne aise ? » La blessure était incessante, car chaque plaisanterie était impitoyablement répétée par les 90 élèves de la pension, et chaque nouveau se croyait obligé d'apprendre et d'essayer par lui-même le répertoire entier. Chamoulot, qui mangeait sans cesse de la pâte de guimauve, était de nous tous le moins bruyant et le plus solidement immobile devant son pupitre. Mais ce qui l'absorbait ainsi, ce n'était point sa grammaire, c'était une passion. Chamoulot adorait la distillation et pratiquait cet art avec frénésie. Fils d'un pharmacien de la rue Beauvoisine, il consacrait tout son temps à préparer des breuvages chauds ou froids avec des essences ou des sirops qu'il volait chez lui, et son plus grand bonheur était de nous faire superbement goûter une mixture nouvelle. Quand il en avait bien réussi une, il la fabriquait en grand et nous la vendait 1 centime le verre. Son père, décoré de juillet et sous-lieutenant dans la garde nationale à cheval, avait, en l'honneur d'un roi qui faisait son orgueil, nommé ce digne fils Louis-Philippe. Noël et Cauchois ne doivent point être séparés, car il existait entre eux une haine qui chaque jour les mettait aux prises. Madame Noël, on n'avait jamais connu Monsieur Noël, et Madame Veuve Cauchois avaient été autrefois les meilleures amies de Rouen, mais s'étant fâchées, elles avaient dit un mal effroyable l'une de l'autre, et, non contentes de divulguer la vérité, elles avaient inventé les histoires les plus scandaleuses. Les enfants avaient pris le parti de leur mère, et comme ils étaient demi-pensionnaires, ils répétaient chaque matin ce qu'ils entendaient chaque soir. Les grands s'en amusaient fort, et la moindre méchanceté éditée par une des anciennes amies était aussitôt colportée dans toute la ville. Madame Noël tenait l'hôtel du Sud où mangeaient des comédiens et des commis-voyageurs, et Madame Cauchois trônait au comptoir d'une des plus belles confiseries de la rue Grand-Pont. Cauchois et Noël luttaient entre eux pour l'amour-propre maternel, de toilette et d'élégance, et, de progrès en progrès, ils en étaient arrivés à la blouse de velours neuf, comme vêtement de tous les jours. Lorsqu'on voyait à l'un un ornement nouveau, on le voyait à l'autre dès le lendemain. Cauchois, pour l'emporter sur son rival et se faire des partisans, nous approvisionnait de bonbons défraîchis, et Noël, pour ne pas céder, de fruits et de pâtisseries qu'on ne pouvait plus servir à l'hôtel du Sud. La lutte se continuait ainsi avec des chances diverses, et comme les deux mères ne voulaient pas que leurs fils fussent punis, c'eût été un triomphe pour celui qui ne l'eût pas été. Elles en vinrent jusqu'à faire elles-mêmes les devoirs qu'on emportait pour la soirée. Mais là, ce fut Madame Noël qui triompha. Elle avait de l'orthographe. Pour Jacques, qui naturellement ne me donna pas sur lui-même des détails aussi précis, je fus plus longtemps à le connaître. Mais, entraîné vers lui par la sympathie, je l'aimais et ne cherchais point à l'étudier. En dehors de cette sympathie, le lien qui avait le plus vivement contribué à nous unir, c'était mes lectures. Élevé par un père qui le surveillait de très près, Jacques avait beaucoup lu, mais uniquement des livres sérieux. Le cours d'histoire de Condillac, le Plutarque d'Amyot, Hérodote et des mémoires relatifs au règne de Louis XIV et de Louis XV. Grâce à ce travail et surtout aux excellents commentaires que son père lui avait donnés, il avait sur l'ensemble de l'histoire des idées précises et solides, mais pour ce qui touchait l'imagination, il était au moins aussi faible que chez Martin. Curieux jusqu'à l'avidité d'apprendre enfin ce qu'on lui avait toujours interdit, il me faisait lui raconter ce que je savais. Nous avions alors pour maître d'études un pauvre diable nommé Lotto, qui, pour augmenter ses appointements, probablement assez maigres, copiait en cachette des rôles d'avoué. Tout entier à sa besogne, il ne pouvait guère nous surveiller, et, pourvu que nous ne fissions pas un vacarme à amener M. Eudelet, il nous laissait à peu près libres de nous occuper comme nous voulions. Jacques et moi, nous profitions largement de ce désordre, lui pour écouter, moi pour parler. Et mon répertoire ne peut-être pas tarder à s'épuiser sans un incident qui nous rendit plus circonspects. Un jour qu'il avait voulu me démontrer qu'Agramant n'avait jamais pu assiéger Charlemagne dans Paris, et que je lui avais répondu en citant les noms des chevaliers qui combattaient dans les deux armées, Rodomont, Renaud, Ferragus, Ariodan, nous avions si vivement discuté que nous avions oublié devoirs et leçons. J'en fus quitte pour 10 verbes à copier et un dîner au pain sec. Mais Jacques ne s'en tira pas aussi heureusement, car retournant chez lui tous les soirs, il devait porter à son père le bulletin de sa journée, et M. Chevalier ne plaisantait guère sur la question du travail. Ce fut avec une inquiétude mortelle que j'attendis le retour de Jacques. Que se serait-il passé ? Il s'était passé une épouvantable chose. En rentrant, Jacques, qui d'ordinaire commençait par remettre son cahier, s'était bien gardé de le tirer de sa poche, où il avait même essayé de le cacher sous son mouchoir. Tout d'abord, la ruse avait parfaitement réussi. Mais tout à coup, M. Chevalier s'était ravisé. « Où donc est ton cahier ? » avait-il demandé. « Et pourquoi ne le montres-tu pas ? Est-ce qu'il y a du mauvais ?» Il avait fallu tirer le fatal cahier. « Qu'est-ce qu'il y a ? » avait continué M. Chevalier, en montrant l'accolade et son terrible accompagnement. « Il y a... C'est mal écrit. Je crois qu'il y a passable. »« Il y a pitoyable. Ah, monsieur !» Vous vous conduisez et vous travaillez d'une façon pitoyable. Eh bien, puisque vous ne voulez rien faire, vous n'êtes plus mon fils. Je vous abandonne. Vous entendez bien ? Je vous abandonne. Je vais vous donner 10 francs. Vous achèterez une sellette, des brosses et du cirage, et vous serez décrotteur. Vous tâcherez de gagner votre vie comme ces petits ramoneurs qui passent dans la rue. » Et il était sorti en chargeant Madame Chevalier de veiller à l'exécution de ses ordres, ce que celle-ci, naturellement, n'avait eu garde de faire. « Que serais-tu devenu ? » demandai-je à Jacques, « si on t'avait mis à la porte. » « On n'aurait pas osé. Cependant... » « Eh bien, alors je me serais établi avec ma sellette au bas de l'escalier du palais, et quand j'aurais vu passer mon père, je me serais mis à cirer ses souliers au milieu de tous les avocats de Rouen. » Je fus émerveillé de cette fière réponse, et l'admiration que j'avais pour Jacques s'en accrut encore.